fonctionne. C'est bon? Ok, parfait. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier les membres du GRID pour leur invitation aujourd'hui à m'exprimer sur un sujet auquel je porte un intérêt certain depuis maintenant plusieurs mois, hein, la question des familles, notamment dans le cadre des dossiers patients que j'étudie depuis maintenant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Et donc, j'y reviendrai par la suite. Et donc, j'ai intitulé ma présentation aujourd'hui, donc transfert des malades et éloignement des patients, quels enjeux pour l'institution? Le cas de Plougarnevel en Bretagne entre 1934 et 1956. Alors, j'évoquais l'intérêt qui est le mien pour cette question, en lien notamment avec les dossiers patients que j'étudie. Alors, c'est d'abord une histoire ancienne liée à la lecture qui a été la mienne de deux ouvrages, notamment au début de mon travail de thèse, avant de commencer l'étude des dossiers patients. Le premier, donc c'est ton livre Anatole sur ton jeune interné Paul du 19e siècle, ouvrage dans lequel tu reviens sur la question, biographie oblige, j'attends de dire, sur la question de la place de la famille, de l'éventuelle réinsertion du malade, une fois celui-ci sorti de l'institution. Question complexe. Et le deuxième, c'est un roman, celui de Victoria Mas, qui est paru l'an dernier, donc Le bal des folles, dans lequel Victoria Mas revient sur les conséquences que pouvait avoir l'internement d'une jeune fille sur une famille bourgeoise parisienne de la seconde moitié du XIXe siècle, et plus précisément des années 1880. Alors, quand on s'intéresse à la question de la place des familles en institution, on remarque assez rapidement qu'il y a un certain nombre de discordances entre celles et ceux qui traitent de ce sujet. Le premier exemple que je prendrai, c'est un article qui est paru en 2001 d'un sociologue qui s'appelle Normand Carpentier et qui a publié donc un article sur le long voyage des familles, la relation entre la psychiatrie et la famille au cours du XXe siècle. Article dans lequel Normand Carpentier établit une chronologie assez précise sur la place de la famille en psychiatrie. En gros, il explique qu'il y aurait deux grands moments. La première période qui concerne la première moitié du XXe siècle, où on a une vision, selon lui, assez négative de ce que peut être la famille pour le malade. Hein, il explique que pour guérir le malade, il faudrait d'abord l'éloigner de la famille ou guérir la famille elle-même dans un premier temps. Et puis on aurait, à partir des années 1970-1980, en lien avec un certain nombre d'éléments, je pense par exemple à ce qu'on certains peuvent appeler la déshospitalisation et d'autres phénomènes de ce type, une revalorisation de la place de la famille, considérée désormais comme un support sur lequel on tendrait à s'appuyer plus qu'auparavant. Le deuxième ouvrage que je voudrais citer, c'est celui de Michel Kerr, qui est publié en 2019, donc Soigner les fous, histoire des traitements médicaux en psychiatrie. Et lui, Michel Kerr, explique que, je cite, la visite de la famille du temps de l'asile peut aussi avoir une forte charge émotionnelle et provoquer un changement salutaire. Donc là, on a deux visions qui s'opposent quelque part. Et les deux auteurs ont malgré tout le point commun de partir des traités rédigés par les alinistes puis par les psychiatres pour travailler sur cette question de la famille. Alors, moi, ce que je propose dans l'intervention qui est la mienne aujourd'hui, c'est de quitter ces grands traités de psychiatrie. Je vais y revenir après, et de partir des dossiers patients, des dossiers des patients internés à Plougarnevel, pour m'interroger sur ce que ça peut signifier être sans famille en psychiatrie. Alors, c'est une expression qui, moi, me pose problème dans un premier temps, parce que sur les 179 dossiers que j'ai consultés, il n'y a pas de malade orphelin. Ça n'existe pas. Les malades sur lesquels j'ai travaillé ont tous et toutes des parents, des frères et sœurs, des oncles, des tantes qui prennent des nouvelles de ces malades. Alors le lien peut plus ou moins être distant et plus ou moins fort entre ces familles et les patients qui sont internés. Et moi, ce qui m'a intéressé plus particulièrement, c'est la question de la distance. Pourquoi? Parce que, je vais revenir après, l'asile de Plougarnevel qui ouvre en 1934, pardon, avait d'abord pour vocation d'accueillir des malades parisiens pour désengorger les structures de la Seine, notamment. Et donc, on a bien souvent des patients parisiens ou parisiennes qui sont internés à Plougarnamel en centre-Bretagne et des familles qui sont restées en région parisienne. Et donc, ces malades sans famille sont d'abord des malades qui sont très distants de leurs proches, de plusieurs centaines de kilomètres. Et ça va être l'objet de mon étude aujourd'hui. L'objectif de mon intervention, c'est de m'interroger sur les enjeux de la relation famille-institution, pardon, en étudiant le cas de Plougarnevel et en mettant en évidence l'importance de la distance entre les patients et leur famille et comment cette distance va interférer auprès de l'institution. Il y aura deux moments que je vais décrire, le premier 1934-1942, le second 1943-1956. Alors, d'abord, quelques éléments de contextualisation. Alors, je vois que normalement, il y avait une carte. Vous ne la voyez pas non plus, comme moi. Non, bon, tant pis. La carte que je voulais vous montrer ici figurait les différents établissements psychiatriques que l'on trouve en Bretagne dans la première moitié du XXe siècle. Donc, vous voyez pas la carte, mais vous avez un maillage qui est assez étroit. Si on prend le cas du département des Côtes-du-Nord de l'époque, il y avait deux grands établissements psychiatriques. Je pense à Léon, à côté de Dinan, et Bégard, plutôt dans l'ouest du département, et donc Plougarnevel, qui était le petit dernier, qui a été créé en 1934. Deuxième partie de cette contextualisation, je l'expliquais tout à l'heure, l'objectif de la création de cet asile de Plougarnevel en 1934, c'est d'accueillir des patients parisiens pour désengorger les structures de la Seine. Alors, l'engorgement de ces structures est une thématique qui revient très souvent, notamment depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Plougarnevel, au départ, le bâtiment, bon, il existe déjà. Ça n'est pas un asile, tout près. Alors, il y a un bâtiment, mais qui a servi de petit séminaire dans un premier temps, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Une école d'agriculture s'y est installée jusque dans les années 1920. Donc, l'école ferme autour des années 1928-1929 pour des problèmes d'effectifs, il n'y a plus assez d'étudiants. Et donc, 1934, date de fondation de l'asile, et juillet 1934, arrivée des 15 premiers, des 15 premières patientes de l'établissement. Alors, je vous mets ici très rapidement un graphique qui vous présente l'évolution du nombre de patients en moyenne à Plougarnevel entre 34 et 41. Alors, ce graphique, je trouve intéressant pour une raison, c'est que finalement, l'asile de Plougarnevel est atteint assez rapidement par le mal dont il était censé être le remède, puisqu'on voit que l'évolution est très très rapide. 15 patients en juillet 34, on arrive en décembre 1939 à quasiment 1200 patients pour un ou deux médecins. Donc, situation que l'asile était censé régler, finalement, il est touché par la même problématique. Alors, rapidement, un point également sur les dossiers de patients que je vais utiliser aujourd'hui, et notamment leur intérêt. Donc, c'est 179 dossiers que j'ai étudiés au cours de la dernière année, de malades internés à Plougarnevel entre 1934 et 1956. Ces dossiers sont extrêmement intéressants, puisqu'on y trouve notamment des correspondances assez fournies, dans la plupart de ces dossiers, entre les familles et les patients de manière assez classique, et entre les familles et les médecins. Donc, c'est de ces dossiers que je vais partir. Alors, l'intérêt de ces dossiers patients, c'est aussi de tenter de mettre en œuvre, de promouvoir une histoire sociale de la psychiatrie, détachée, je le disais tout à l'heure, des grands récits établis par les alinistes puis par les psychiatres. Il y a deux ouvrages qui m'ont profondément intéressé dans cette perspective. Le premier, c'est celui d'Hervé Guimain, qui est mon directeur de thèse, qui a publié en 2018 donc, Schizophrène au XXe siècle, des effets secondaires de l'histoire, ouvrage dans lequel Hervé Guimain revient sur l'étiquette de schizophrène et tout ce que ça implique. Et le deuxième ouvrage, c'est celui de Benoît Mageru, Parmi les fous, une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle. Et donc, c'est dans cette perspective que j'ai tenté, moi aussi, de m'inscrire, très modestement. Alors, la première partie de mon intervention, vous avez ici les titres qui sont indiqués, donc méfiance et défiance des familles à l'égard de l'institution, éloignement et sentiment d'éloignement. Alors, quel est le profil des malades internés à Plougarnevel entre 1934 et 1942, puisque ça va être l'objet, cette première période de ma présentation. Alors, on a entre 1934 et 1942 uniquement des patients, c'est-à-dire des femmes qui sont internées à Plougarnevel, des patientes nées essentiellement en France, 89% d'entre elles. Quand on observe un petit peu les départements d'origine, on note que les malades originaires du département de la Seine arrivent assez largement en tête, à hauteur de 23,7%, suivis assez loin derrière des patients finistériennes à hauteur de 8,2%. Ces patients parisiennes sont, ces patients de façon générale, sont majoritairement passés par des établissements de la Seine avant de venir à Plouguen-Ével, les plus représentés étant Sainte-Anne et Maison-Blanche. Alors, je vous indique ici comment dire, les troubles qui ont été diagnostiqués. Alors, je ne sais pas si sur le graphique on voit très très bien. Moi, je le vois bien sur l'ordinateur, mais je ne sais pas si c'est très très clair. Ouais. Le profil comment dire, des maladies diagnostiquées aux malades qui sont internés à Plouguen-Ével entre 34 et 42. Alors, on voit ici que l'échantillon est finalement assez large, même si deux troubles ressortent plus distinctement. C'est d'une part la démence précoce et la schizophrénie, qui renvoient à la même maladie. Et d'autre part, la psychose maniaco-dépressive. Alors, est-ce qu'on a des éléments de comparaison par rapport à ce profil? Si je reprends l'étude menée par Hervé Guillemin sur les schizophrènes de l'établissement de Saint-Rémy en Haute-Saône, hein, qui est géré par la même entreprise qu'à Plouguen-Ével, on a des hommes présents parmi les malades à Saint-Rémy, ce qu'on ne trouve pas à Plouguen-Ével dans un premier temps. À Saint-Rémy, les convois peuvent compter jusqu'à 60% de sa maladie née à l'étranger, ce qu'on ne trouve pas non plus à Plouguen-Ével. Et essentiellement à Saint-Rémy, des malades atteints de démence précoce et de schizophrénie. Donc là, on a un point en revanche de comparaison. Alors, rapidement, pour terminer sur ce profil des malades internés à Plouguen-Ével entre 34 et 42, ce que je propose, c'est de faire un zoom sur les domestiques du département de la Seine, qui arrivent en tête à hauteur quasiment de 24%. Deux tiers de ces malades travaillent dans le monde de la domesticité et des soins en particulier. 60% de ces domestiques ont entre 15 et 25 ans, donc là on a un groupe d'individus finalement relativement jeunes, et 40% de ces domestiques sont rangés entre guillemets sous l'étiquette de la psychose maniaco-dépressive, ce qui correspond finalement assez bien à ce que l'on observe pour l'ensemble des individus internés sur la période. Alors, venons-en très concrètement à ce qui fait l'objet de ma présentation aujourd'hui, la question de l'éloignement géographique. Cette question se pose très concrètement pour les familles qui sont restées en région parisienne et dont les proches sont internés à Plouguen-Ével, donc en centre de Bretagne. Cet éloignement géographique, il est très concret parce que d'abord, il pose des problèmes, notamment financiers, pour celles et ceux qui éventuellement voudraient se rendre en Bretagne. Alors, je vous donne ici l'exemple de Marie D, qui en juin 1937, donc Marie D qui réside dans l'Oise, et qui explique en juin 37 au médecin-chef qu'elle ne peut rendre visite à sa sœur, vu que nous sommes que des ouvriers, et si loin. Donc là, on dirait le critère financier économique est très clairement mis en avant. Ce qui les empêche, elle et son mari, peut-on supposer, de se rendre en Bretagne, visiter un proche. Outre l'aspect financier économique, bien évidemment, l'appréciation de la distance dans les années 1930 n'est pas la nôtre aujourd'hui. Donc le voyage en Centre-Bretagne demande une véritable organisation. J'ai pu trouver notamment dans les archives des détails sur les locomotives, les horaires, etc. Bon, on se rend compte que c'est aussi très compliqué et ça demande beaucoup d'organisation d'entreprendre un tel voyage. Alors, outre cet éloignement géographique très concret, il y a aussi un sentiment d'éloignement des familles par rapport à leurs proches qui sont internés. Alors, pour dire les choses très concrètement, quand on lit les dossiers patients, pour les patients qui sont internes à Plouguen-Ével, venir en Centre-Bretagne quand vous êtes originaire de région parisienne, c'est un petit peu rendez-vous en terre inconnue. C'est ce qui ressort très distinctement des dossiers. Alors, je donne ici quelques exemples. C'est la difficulté pour certaines patientes à orthographier Plouguen-Ével. Dans une lettre notamment dont le destinataire est le président de la Cour de cassation, Eugénie F., qui est internée à partir de 1936, 36, pardon, ici de l'asile de Roquernoël, et pas de Plouguen-Ével. Et Marie-Louise B., dans un entretien réalisé avec le médecin, quelques heures après son arrivée en juin 36, explique qu'elle est en Bretagne mais ne connaît pas le nom du pays. Et là, on a des éléments moi, qui m'ont rappelé ce que j'avais pu trouver dans un certain nombre de récits de voyage sur la Bretagne, notamment au début du XXe siècle, et je pense notamment à un livre d'un auteur qui s'appelle Gustave Geffroy, qui a publié en 1905 un livre tout simplement intitulé La Bretagne, et qui caractérise la région de Plouguen-Ével comme étant celle de la terre de la ronce. Donc il y a tout un imaginaire qui se développe autour du centre-Bretagne, de la Bretagne, et que l'on retrouve dans les dossiers patients. Donc éloignement géographique et sentiment d'éloignement. Deuxième partie, psychiatre à la place du psychiatre. Alors, on va essayer de trouver des solutions face à l'éloignement. On va proposer aux familles de faire photographier leurs patients pour leurs proches pour envoyer ensuite des photographies en région parisienne. On va également organiser des horaires pour les visites. Donc là, ici, je vous les ai indiqués. Donc entre 9, de 9h à midi, 13h-17h, 9h, 13h, 14h-18h, 14h-23h, et en 1950, 10h midi, 14h-18h. Alors, pour autant, sur les visites, ce qu'il faut préciser, c'est que moi, j'ai pas énormément d'indices sur d'éventuelles visites de proches à Plouguer-en-Ével, même si on leur laisse la possibilité de le faire. Ces visites sont relativement rares, du fait de l'éloignement géographique que j'ai évoqué tout à l'heure. Du fait de cet éloignement, les familles sont quelque part contraintes de faire confiance aux médecins, parce qu'elles ne peuvent se rendre sur place. Alors, c'est une confiance qui, en revanche, n'est pas aveugle, il y a quelque part une exigence de sincérité, et les familles vont demander aux médecins de tenir un discours de vérité. Je vous donne ici l'exemple du frère de Lucie C, qui s'adresse au directeur de l'asile de Plouguer-en-Ével en mars 35, et lui explique: « Monsieur le directeur, j'ai un foyer, un enfant. En toute sincérité, veuillez me dire toute la vérité. Mes moyens sont ceux d'une personne qui travaille, mais si ma soeur est guérie, mon devoir est de l'aider. » Donc, il y a la distance, on fait confiance aux médecins, mais en même temps, il y a cette exigence de sincérité. Alors, parfois, les familles vont aussi aller plus loin. Elles ne peuvent rendre visite à leurs proches, elles font confiance aux médecins, mais sans que ce soit une confiance aveugle. Elles vont même parfois aller jusqu'à remettre en cause le diagnostic qui a été établi, en se basant sur les écrits des patientes. C'est-à-dire que les patientes vont envoyer une lettre à une mère, un père, une sœur, un frère ou autre, et la famille va répondre au médecin en disant: « Bah, écoutez, je ne comprends pas très bien le diagnostic que vous avez formulé pour notre patiente. Moi, je constate que dans ses écrits, elle est tout à fait cohérente et donc elle doit sortir. » Donc, il y a comme ça une concurrence qui s'installe entre ces familles et les médecins. Et parfois, ça peut déboucher carrément sur un conflit, quand les médecins, notamment, refusent que les patients sortent. Donc, les familles vont s'appuyer sur cette apparente cohérence des lettres envoyées par la patiente. Parfois, ça va même encore plus loin. Ça passe par l'envoi de médicaments. C'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris quand j'ai consulté les dossiers. Vous avez certaines familles qui, alors directement ou indirectement, c'est difficile de déterminer, vont saborder le travail du médecin, malgré le fait que les médecins leur expliquent: bah, écoutez, vous ne laissez pas trop influencer par ce que vous dit votre malade. Les familles vont envoyer pour certaines des médicaments. C'est le cas, je donne ici l'exemple de Joséphine G, à qui sa mère envoie du Yonil. Alors, le Yonil, c'est un médicament qui est administré chez les patients atteints de mélancolie, de schizophrénie. Alors, je ne vous ai pas ici retracé tout le détail sur la découverte qui est celle du médecin quand il se rend compte en fait que la patiente reçoit des médicaments en parallèle. Bon, il exprime toute sa colère dans un certain nombre de lettres qu'il envoie ensuite aux familles. Donc, les familles peuvent aller assez loin, finalement, remettre en cause le diagnostic et même carrément envoyer des médicaments contre-indiqués, parfois, dans les troubles diagnostiqués aux patients. Alors, par rapport à cette relation complexe vis-à-vis des familles, du fait de l'éloignement, de la distance, le médecin peut, un outil à sa disposition, cet outil, c'est celui du bulletin de santé. Ce bulletin de santé qui n'est pas simplement un document médical, comme on pourrait le croire, c'est aussi un moyen, je crois, pour le médecin d'affirmer son pouvoir face aux proches. Et l'objectif, notamment, c'est de se détacher des émotions qu'une famille peut mettre dans une lettre et d'objectiver le ou la patiente pour affirmer, se légitimer et légitimer son diagnostic face aux familles. Alors, le plus souvent, ces bulletins de santé sont envoyés, sont une réponse à une demande de renseignement. Il est, ce bulletin de santé, d'un format immuable. On va toujours avoir en haut du bulletin PDS, DUT, donc avec la date. Il est de longueur assez variable, même si la plupart du temps, il est bref et concis, et il comporte la signature du médecin. Voilà. Je voulais également vous mettre un exemple ici, mais je crois qu'il n'apparaît pas, tant pis. C'était un document d'archives tiré dossier d'une des patientes internées à Plouguer-en-Ével sur la période, qui reprenait les informations que je venais de décrire à l'instant. Bon, on a à Plouguer-en-Ével un sujet qui est très géographique, qui a à voir avec la distance, avec le transfert, le voyage, la frontière entre le monde connu et celui qui l'est moins ou même pas du tout pour les patients qui sont transférés en centre-Bretagne et dont les familles sont restées en région parisienne. Et donc pour les familles, les transferts vers la province peuvent être vécus comme une forme d'arrangement. Et cet arrangement, qui est dû à la distance, contribue à instaurer finalement un climat de suspicion permanent, à l'encontre du corps médical. Et donc pour les médecins, ce qui se pose à eux, c'est un enjeu de légitimation qui passe notamment par le bulletin de santé. Donc on a des relations très complexes entre famille et médecin, famille, patient. Bon, je reprends ici ce que je disais tout à l'heure sur Normand Carpentier. Là, la chronologie, elle devient un peu plus précise ou plus complexe, c'est selon, mais c'est lié à l'étude de ces dossiers patients. Donc on va voir directement ce qui se passe sur le terrain, c'est aussi ce que l'on constate. Alors, un dernier point, ce sera ma deuxième partie, ma deuxième et dernière partie. La situation évolue progressivement à plus d'un à partir des années 1940 sur cette relation notamment entre famille et institution, en lien avec un recrutement de plus en plus local des malades à partir du milieu des années 40. Alors, c'est lié notamment au contexte de la Seconde Guerre mondiale, puisque le conflit, pour les impacts qu'il a notamment sur les conditions de transport, retarde le retour des patients vers la région parisienne, retarde également l'internement de nouvelles patientes parisiennes en Bretagne. Donc, on a un tarissement à la source quelque part, qui contraint les autorités à revoir leur politique d'acheminement de patients vers la province. Et donc, la conséquence, c'est donc un recrutement de plus en plus local. On le voit notamment entre 1943 et 1956, puisque désormais 75% des individus internés à Plouguenel sont bretons. Les malades des Côtes du Nord arrivent assez largement en tête, à hauteur de 41%, devant le Finistère 19,2% et le Morbihan 17,9%. Les malades de la Seine, qui tout à l'heure représentent à peu près 24% des effectifs, ne représentent ici qu'à peu près 8% des malades internés sur la terre. Comme un symbole, c'est en 1949 que l'établissement héberge sa première patiente originaire de Plouguenel, Marie-Jeanne, qui est internée au printemps 49 pour une dépression et qui est recueillie par son mari qui réside alors à Méliodec. Alors Méliodec, c'est une petite commune qui se trouve à peu près à 15 km de Plouguenel. Et donc, on a de plus en plus cette proximité désormais entre les malades et leurs familles du fait de ce recrutement de plus en plus local. Ce qui explique également ce recrutement localisé, c'est la problématique de l'encombrement asilaire, dont l'asile de Plouguenel est victime assez rapidement dans les années 1930. Je vous mets ici quelques chiffres. 1199 malades en décembre 1939. Il y a un problème grave de gestion des effectifs. Dans son rapport du 29 novembre 1934, le sous-préfet de Guingamp note ainsi que s'il y a cinq quartiers à cette époque à Plouguenel, il n'y a aucune catégorisation des malades, de sorte qu'il est difficile d'appliquer les soins spéciaux que chacune d'elles réclamera. Donc, le contexte de la Seconde Guerre mondiale et celui de l'encombrement asilaire favorise ce recrutement de plus en plus local, qui va permettre notamment de s'appuyer sur les familles, puisque celles-ci se trouvent à proximité désormais. Alors, je vous mets ici juste quelques informations supplémentaires sur l'encombrement asilaire. On a une augmentation de la mortalité qui est assez importante dans les années 30 à Plouguenel, du fait notamment de la promiscuité entre les malades. Je vous donne ici un exemple. Février-mars 1936, vous avez une épidémie de grippe à Plouguenel qui cause la mort de 16 patients. Et donc, il faut trouver des solutions par rapport à ça. Et la famille va être un support sur lequel on va tenter de s'appuyer. Et donc, on a, à partir des années 1940, une sorte de partenariat, même si le terme n'est peut-être pas très bien choisi, mais c'est un petit peu sous cette forme, un partenariat entre famille et médecin à partir des années 40. Alors, quelques chiffres. On a une évolution dans les pratiques. Entre 1943 et 1956, les transferts des malades vers d'autres établissements représentent environ un tiers des sorties, contre 46% entre 34 et 56. Donc on a une baisse des transferts à partir de Plouguenel vers d'autres établissements. Et à l'inverse, entre 1943 et 1956, la part des malades qui regagnent le giron familial est d'environ 20%, contre 13% entre 34 et 42. Donc on a une sorte de basculement là, basculement, une évolution plutôt qui s'opère. On s'appuie moins sur les transferts vers d'autres établissements et davantage sur la famille pour faire sortir les patients. Alors, ce qui favorise également le recours à la famille, qui se trouve désormais à proximité, c'est le profil strictement médical des malades internés entre 43 et 56. En effet, à peu près 40% des patients guéris ou non d'ailleurs, qui sont recueillis par un proche sur la période, sont atteints selon les diagnostics de psychose maniaco-dépressive. Si on prend le cas à l'inverse des déments précoces ou schizophrènes sur la même période 43-56, la plupart d'entre eux ne parviennent pas à regagner le giron familial. Ces malades, pour près de 55% d'entre eux, sont en réalité transférés vers d'autres établissements où ils pourront être soignés de manière satisfaisante. Alors, je vous remets ici un graphique qui reprend les troubles diagnostiqués pour les patients entre 43 et 56. Alors là, c'est très très clair. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait, comment dire, c'est difficile de déterminer entre la démence précoce, la schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive. Là, la psychose maniaco-dépressive à hauteur de 51% pour les malades internés entre 43 et 56. Alors, pour autant, est-ce qu'on fait sortir à tout va ces patients? Est-ce qu'on s'appuie sur la famille pour désengorger l'asile de manière systématique? Ou est-ce qu'il y a une enquête qui éventuellement est menée? Alors, il y a un préalable quand même à la sortie d'un malade de l'asile de Plougarnevel entre 43 et 56, c'est l'évaluation de la famille. Est-ce qu'elle est capable ou est-ce qu'elle serait capable de faire face à une crise, par exemple, si le ou la patiente sort de l'établissement? Alors, cette évaluation, elle n'est pas le fruit de questionnaires ou de formulaires envoyés aux parents, je n'en ai pas trouvé dans les dossiers, mais c'est très empirique, c'est-à-dire que c'est le médecin qui, à partir de ce qu'il a pu constater sur les différentes années d'internement, des relations entre les proches et les patients, qui va déterminer si la sortie est opportune ou pas. Donc il va s'interroger, est-ce qu'il y a eu des visites? Si oui, à quelle fréquence? Sinon, est-ce que ces non-visites, si je peux dire, s'expliquent par d'éventuels problèmes financiers, de déplacement? Si les familles sont en proximité, bah, ça a quand même un coût de se déplacer. Et donc, il n'est pas rare de voir des médecins émettre des avis négatifs, ce qui peut, encore une fois, causer une certaine forme de colère chez les proches qui souhaitent recueillir leur malade. Ce qui se pose aussi comme question, c'est celle de l'après-asile. Parce que les patients vont sortir, les patientes, mais est-ce qu'il y a une coupure nette qui s'instaure pour autant avec la vie asilaire? Alors, on a des correspondances entre les psychiatres et les anciens malades dans les dossiers. Je vous donne ici un exemple. Sorti pour la deuxième fois en juin 55, Juliette M retrouve ses proches après son internement. Et le 20 décembre, elle envoie donc de la même année, elle envoie une lettre au psychiatre de Plougarnevel. Elle explique qu'elle a pu regagner Paris, mais que sa guérison n'est pas complète. Et elle poursuit un traitement à base de serpazil débuté à Plougarnevel. Les familles également vont continuer à entretenir des correspondances avec les psychiatres. Ils vont pas notamment hésiter à les solliciter en cas de rechute. En septembre 55, par exemple, la mère de Julie M, que j'évoquais à l'instant, envoie une lettre au psychiatre de Plougarnevel en expliquant que sa fille menace de se suicider, et le psychiatre lui conseille fortement de l'hospitaliser d'urgence. Donc on a comme ça, à partir des années 1940-1950, un accompagnement qui se fait auprès des proches et qui est censé éviter une rechute, puisque si on veut désengorger, il faut éviter que les malades qui sortent ne reviennent dans l'établissement. Alors, en conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'on a donc deux grands moments, 34, 42, 43, 56, que j'ai pu déterminer à l'aide de ces dossiers patients. Et on constate que finalement, au-delà des grands traités de psychiatrie qui évoquent cette question de la place de la famille, ben, finalement, quand on regarde dans les dossiers, on a quelque chose d'assez complexe qui se noue. On a effectivement entre 34 et 42 une relation conflictuelle en lien avec la distance qui sépare les familles des patients et ce climat de suspicion permanent que j'évoquais tout à l'heure. Et puis entre 43 et 56, du fait du second conflit mondial, de l'engorgement asilaire que j'évoquais tout à l'heure, un recours de plus en plus important aux proches. Pour autant, on ne fait pas sortir à tout va et on mesure bien, on tente de mesurer en tout cas. De voir si les familles seraient capables de faire face à une éventuelle crise pour éviter une éventuelle rechute et que, ben, on se retrouve dans une situation.